L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Devenir citoyen. Participer à la vie de son quartier permet de commencer à faire de la politique. Commencer avec une activité de construction comme le modélisme, un puzzle, initié à construire. Alors, dans la rue, on essaie de savoir comment sont conçus les immeubles et les routes. Les routes et les immeubles doivent respecter les règles d'accès ou de circulation. On s'intéresse alors à l'architecture, afin de construire tout projet. Une fois que viennent les idées pour améliorer son environnement, on participe à la vie de son quartier. On réfléchit alors quotidiennement sur l'architecture et l'économie de son quartier. Mes notes, réfléchir et dialoguer sur son quartier. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.